بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki, hafizahullah ta'ala. Dixième leçon. Bismillahir Rahmanir Rahim, as-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. تمام. في هذه الحصة سنأخذ مراجعة البيت 21 يعني le 21ème vers de الحائية. فقال المنظم رحمه الله تعالى وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة العقد الدين والدين أفيح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. Donc là nous avons, Inch'Allah, faire des vers qui sont relatifs à l'iman bil-qadar, le fait de croire au destin. Kama huwa min aqidat al-sunnati wa jama'a. Qu'on y croit de façon légiférée. Que l'on accepte et que l'on s'y soumet. Qala ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Qui n'est pas interrogé, c'est ce qu'il fait, nous serons interrogés. Il n'y a pas de pourquoi ou ce genre de choses. Comme il dit, anna al-qadar min sir illah. Que le qadar fait partie du secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin nu'min bi. Fa innahu min arkan al-iman. Partie des piliers de la foi. Fa qala wa bil qadari al-maqduri. Donc au destin. Et Magdour, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a estimé, décrété. Qu'ils sont bien ou en mal à nos yeux. Car le destin, il n'y a que du bien derrière. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour sa création, il n'en forme que du bien. Seulement à nos yeux, on en décèle des fois du mal pour nos personnes. Mais en réalité, ce n'est qu'un bien derrière. Seulement. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Que Allah ici, mais vous ne savez pas. Naam. Ayqin, c'est le amr de Ayqana. Qui vient le fait d'être sûr. D'être certain d'une chose. Min al-yaqin. Wal-yaqinu diddu al-shak. Wal-rayb. Que le yaqin, c'est la certitude, la conviction. Qui est le contraire du doute. À chaque, c'est le doute. Fa innahu di'amatu aqdiddini. Al-di'ama huwa rimad al-bayt ou asas al-bina. Que c'est la naissance d'une fondation. Pilier, fondation. Une chose incontournable. Indispensable, fondamentale. Ou l'iqdi, là, c'est comme l'qilada. Il y a un iqd, là, dans le sens d'un, comme un collier. Tayyib. Là, c'est une image qu'il a donnée pour faire comprendre que, par exemple, un collier, quand tu le portes autour de ton cou, un collier avec des perles, par exemple, si jamais il venait à se casser, qu'est-ce qui se passerait? Les perles tomberaient les unes après les autres. Première, deuxième, troisième, jusqu'à ce que toutes les perles tombent. Donc le qadar est considéré justement comme ce collier. Que si jamais tu n'y crois pas ou quoi, et qu'il se casse, toutes les perles vont suivre. Et ton collier va se vider. Également que le qadar est parmi les piliers de la foi. Comme a dit le hadith d'Ibril, dans le hadith de Jibril. إنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان. Il lui a dit informe-moi de la foi. Il dit أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خير وشر. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, ses messagers. Que tu crois au destin qui sont beaux, au jour dernier. Que tu crois au destin qui sont beaux ou mauvais. Ça c'est parmi les six piliers de la foi. L'iman du qadar. نعم. والدين أفيح المراد بالدين هنا دين يعني الإسلام وأفيح ما معنى أفيح معنى واسع large varié dans le sens que il y a beaucoup d'œuvres. C'est un dîn qui est basé sur beaucoup d'œuvres, beaucoup d'actions, beaucoup de genres d'adoration. Ils sont très variés. Tu n'es pas restreint, tu n'es pas limité à une chose. Il y a des piliers, d'accord, des actes qui sont indispensables à la religion, et d'autres qui sont peut-être de moindre degré, mais qui apportent leur importance parce qu'ils sont bien accomplis. Et qu'il y a plein de choses à faire en religion, bifadlillahi ta'ala, que les portes du bien sont extrêmement nombreuses en islam. Et des fois, des choses très simples peuvent rapporter beaucoup de hasanat pour celui qui le fait avec une bonne niyya. كفي هذا الحديث الذي دخل في الجنة لأنه حذف من طريق شجرات كانت تزعج المسلمين. Comme cet homme par exemple qui rentre au paradis du fait qu'il a enlevé un obstacle sur le chemin, sur le passage des musulmans. C'était un arbre. Regarde, comme il avait bien entendu l'iman à la base et kana sahib tawhid, bien entendu, regarde, cette action lui a valu de rentrer au paradis. Ou cette femme, cette prostituée des Bani Israël qui a abreuvé un chien. Une prostituée pourtant. Et ben, elle a été pardonnée. Il lui a été pardonné du fait qu'elle ait abreuvé un chien qui était assoiffé. Donc pour dire plein d'actions sont faisables en religion. Lakin innamal amal biniya. Que les actes ne valent que plein d'attention. Car ces actions-là, tu peux trouver chez les koufars. Les actions humanitaires, ce genre de choses. Seulement leur niya, c'est pas de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, c'est ça qui fait toute la différence, son tawhid, son iman et sa niya. Naam. Donc, afiyah, ma'na wasi'a. Et laissa bil ma'na kama zakarou al-mubtadi'a. Comme tu peux trouver dans certains livres, par exemple dans certains kutub de Abu al-Hassan al-Misri, dans le livre de Mohamed al-Raymi, surnommé Mohamed al-Imam, dans l'Ibana, quand tu parles de ad-din et l'afiyah. Il veut dire quoi? Une religion large pourrait faire entrer plein de gens en fait. C'est pas le même sens. D'ailleurs, c'est une religion qui est large, on doit y accepter beaucoup, beaucoup de gens. C'est-à-dire en fait, c'est pour en fait, tamir, faire entrer le Ikhwani, faire entrer le Soufi, faire entrer Foulen et Foulen et Foulen. Pour dire cette religion, elle nous accepte tous. On dit Mnuhaythul Iman, Naam, Mnuhaythul Manhaj, Fala. On va pas dire qu'un Ikhwani c'est un kafir. Et son manhaj il est bâtil. Et ça, la religion à la base n'a pas été faite pour accepter des personnes comme ça. Mais elle a été faite pour être appliquée dans sa totalité. Je connais pas de hadith afiyah. C'est juste ce mot-là, là, il l'utilise dans des malades. Non, il l'utilise dans des. Parce qu'eux, ils veulent l'entendre. S'il y a un hadith qui contient le mot afiyah, soit je ne me rappelle pas, soit je ne le connais pas. Mais c'est un mot, ni Kenemel, le Raoui. Naam. Tayyib. Donc, parmi les adillas du Qadar, قال الله تعالى, إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ. Que toute chose, nous l'avons créée avec un décret bien défini, de façon prédestinée. Et que l'ordre d'Allah est certes décrété, c'est-à-dire va se réaliser. Hein? Et il créa toute chose et prédestina. Qaddar, c'est également le sens de pouvoir estimer une chose, d'oser une chose. Qaddir hada bi hada, c'est t'estimes une chose. وفي الحديث المشهور le hadith d'Ibn Abbas, apporté par Tirmidhi ou Ghayri, lorsqu'il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Ya Ghulam, inni ulimuka kalimati » Certes, ô garçon, je vais t'apprendre une parole. « Yahfazillah, yahfazka » Préserve Allah, il te préservera, c'est-à-dire préserve sa religion. « Yahfazillah, tajid tujahaka » Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. « Wa'alam anna l'ummata law ijtama'at ala an yadurruka bishay » L'an yadurruka ila bishin kat kataballahu alayki. Que si toute la communauté se réunit afin de te nuire en quoi que ce soit, ils ne pourront te nuire qu'en ce que Allah t'aura déjà prédestiné. وَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَيْكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Que s'ils veulent se réunir pour te t'apporter un bien, quoi que ce soit, ils ne pourront t'apporter que ce que Allah t'a prédestiné. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ. Que les plumes ont été levées et que l'encre a séché. Il y a des choses qui ont été prédestinées. وفي الرواية عن الترمذي فقال وعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. Que ce qui t'a atteint ne devait pas t'échapper et ce qui t'a échappé ne devait pas t'atteindre. Même tout ce qui t'arrive c'était prédestiné. Que nous serons atteints que ce que par là nous a déjà décrété. Azaw. وفي حديث كذلك ابن مسعود في خلق الإنسان la conception de l'homme dans le ventre de sa mère, à la fin il dit quoi? Que l'ange, lorsqu'il vient, il dit quoi? Umira bi kit arba'i kalimat, qu'il écrit quelque chose. Rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa shakiyun aw sa'idun. Il lui prescrit sa subsistance, son temps de vie, ses œuvres, est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Et à la fin, inna ahadakum la ya'malu bi amal al-jannati. حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل النار فيدخلها. Et l'un d'entre vous, il œuvre par les œuvres des gens du paradis, c'est-à-dire en apparence, jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis que une coudée. Ensuite, le livre le rattrape, c'est-à-dire son destin, son qadar, et se met à faire les œuvres des gens du feu et il y entre. Maintenant, al-qadar, ce n'est pas une excuse pour délaisser les œuvres ou dire que si Allah m'a destiné cela, donc pourquoi me prendre la tête, pourquoi me fatiguer à faire telle ou telle chose. Et on dit aux gens, toi tu ne sais pas ce qu'Allah t'a pas destiné, tu ne le sais pas, donc œuvre, œuvre, et toi espère dans l'Allah qui t'est prédestiné du bien. Mais abandonner comme ça, tu ne sais même pas ce qui t'est déjà prédestiné, ça c'est khuzlan, c'est l'abandon pur. Donc ça c'est tala'oub, ça c'est tala'oub. Donc le destin n'a pas à prendre comme excuse pour délaisser les œuvres ou pour justifier le fait que, par exemple, pourquoi faire telle ou telle chose si Allah m'a déjà prédestiné telle ou telle chose. Comme le font beaucoup de gens. Toi, comme on l'a dit, tu as le libre arbitre. Et ce que tu fais, tu ressens que tu as le choix. Donc choisis le bien. Et le bien et le mal t'ont exposé. Aman shafa yu'min, aman shafa liyakfur. Cependant, après, comme on a dit, il faut en subir les conséquences et assumer le choix qui a été fait. Naam. Donc les maratibs de Al-Qadar, le destin sont les quatre. Quatre étapes. Awalan al-ilmu. Anna Allah qad ahata kulla shay'in hatta qabla huduthiha. Que Allah sait tout ce qui va se passer avant même que les choses n'aient lieu. Car là, il sait tout. À l'avance. Il sait la chose. Inna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, que Allah certes a eu le savoir de toutes choses. Donc une fois que Allah l'a su, al-kitaba, cela est écrit. Wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, et que toutes choses nous les avons dénombrées dans un registre clair. C'est-à-dire que tout ce qui doit avoir lieu, Allah SWT l'a déjà écrit. Comme dans le hadith de Al-Qalam, que la première chose qu'Allah a dit au Qalam, c'est Uktub ma yakun. Écrit tout ce qu'il y aura. D'accord? Qalam. Wa ba'd ma alima wa katab al-mashi'a. Chose qu'il est voulu. Wa ma tasha'una illa yasha' Allah. Que vous ne pouvez vouloir une chose, ce n'est que Allah l'a voulu déjà auparavant. Que si Allah veut une chose, il a juste à dire soit et elle est. Là, c'est plutôt l'irada nam. C'est pas le mashi'a, c'est l'irada. في فرق بينهما سيأتي إن شاء الله في درس آخر. وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Que ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas ne l'est pas. Donc une fois qu'il a su que cela a été écrit, qu'il l'a voulu, après la dernière étape c'est al-khalq. Cela se produit, cela est créé. Wallahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Que Allah a créé toutes choses, créateur de toutes choses, et qu'il est garant de toutes choses également. Donc ça c'est les trois, les quatre maratib, al-ilm, والكتابة والمشيئة والخلق. Ensuite, le Shir a cité des vers qui citent justement ces quatre maratib, qui sont علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيمانه وتكوينه علم كتابة كتابة مولانا مشيئته وَخَلْقُهُ وَوَا إِمَانٌ وَتَكْوِينٌ. Ilm, c'est le fait qu'il sache, savoir. Kitaba, qu'il l'a écrit. Mawlana, notre Mawla, c'est Allah. Mashi'atu, son vouloir. وَخَلْقُهُ, qu'il l'a créé. Et cela est la foi. وَتَكْوِينٌ, le fait que la chose est. La chose est se produit. Naam. Comme Azakar al-Shir, ça c'est une partie du dirs qui concerne le Qadar. Et ensuite, Inch'Allah, on évoquera certaines sectes, comme les Jibriya ou la Qadariya. Et que les gens de la Sunna sont les gens du ce milieu. On a fou mon hada. T'as écrit l'abiette, c'est bon. Taïeb, fa'illahuna, walhamdulillahi rabbil alamin.